c'est tout à maman. Je disais j'ai du grand, je voulais faire comme les grands. Donc j'ai mis les gants, je me trouvais élégant. Et j'ai pas souri, quand je pense aux soucis. J'ai volé pour manger, mais je suis pas à vie. Entre le bien et le mal, j'ai pas de karma dit. Mais je voulais faire du bien et construire mon empire. Et je suis désolé si j'ai manqué de respect. Ouais, je pense à l'avenir, comment ça va finir. Mes problèmes de cœur, poteau, jour en jour, va t'en s'empire. Tu traînes avec des merdes, les soucis t'attirent. Que des sales embrouilles, obligés, poteau, ça tire. Non, ça date pas d'hier. Tranquille, ouais, c'est mon détail.